bonjour ou bonsoir. Nous sommes fiers d'ouvrir cette plateforme de podcast et de streaming, d'information et de création à la fois. Oui, deux formats associés, rarement combinés. Lancement ce 20 octobre 2018 à midi. Émissions, reportages, entretiens, témoignages, prises de parole et créations audio dans le but de propager, par la magie du son, le modèle de Riace. Une matrice originale, concrète et facilement transposable dans toute l'Europe d'intégration des populations issues des migrations. Radio Riace International, RRI, diffusée depuis Paris en langue française et italienne, principalement mais pas seulement. S'appuyant sur une équipe de citoyens, d'écrivains et d'artistes venant de toute l'Europe, elle dresse un pont sonore et parlé avec le village calabrais pris dans les tourments politiques de ce début du XXIe siècle, inquiet et anxiogène. Dans l'assourdissant silence médiatique et gouvernemental des chancelleries occidentales sur les agressions dont ce village est victime, et à quelques mois d'une échéance électorale européenne décisive en 2019, Radio Riace International apporte une note d'espoir aux habitants de Riace et à son maire, Domenico Lucano, dit Mimmo, qui livre depuis 20 ans un combat admirable pour imposer par la douceur une société inclusive, humaine et juste. Radio Riace, c'est une plateforme de soutien à ce qui se passe à Riace en Italie, là où il y a des migrants qui sont accueillis avec beaucoup d'intelligence. Et aujourd'hui, on demande très simplement à qui a envie de participer, de contribuer à faire vivre en fait cette plateforme sous toutes ses formes. Donc on peut nous envoyer des textes, on peut nous envoyer des sons. Il y a une adresse mail, Radio Riace International, @gmail.com. On reçoit, on lit et on fabrique. El sonido del viento y los pájaros. Le son du vent, des oiseaux et du vent. Porque yo he vivido en la Amazonía y para mí eso sí es muy importante, muy relajante. Je vivais dans l'Amazonie. Pour moi, c'est très important, très relaxant et agréable. Je suis très vieux, j'ai 26 ans. Alors Rosaria, on se retrouve 10 jours après, je crois, notre rencontre et après cet entretien que l'on vient d'entendre. Et en 10 jours, il s'est passé quantité de choses. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé depuis 10 jours à Riace, en Italie, d'une manière plus générale? Oui, c'est passé quelque chose. Quand on a parlé, Domenico était déjà assigné à résidence. Oui, c'est vrai. Bon, depuis, il y a eu cette énorme manifestation dans ce petit village de Riace, avec 6000 personnes qui allaient sous ses fenêtres, qui ont marché jusqu'à sous la fenêtre de son appartement pour demander de ne pas arrêter le modèle Riace et de libérer Mimmo. C'était beau à voir aussi parce que c'était la tête de la manif, c'était les immigrés eux-mêmes, avec des danses d'ailleurs et des chants. C'était assez émouvant. Et d'ailleurs, lui, il était très ému. Derrière sa fenêtre, derrière ses vitres, on le voyait. Il a pleuré, quoi. Mais bon, il a aussi levé son poing gauche. Il ne cache pas ses sympathies politiques, évidemment, et a remercié tout le monde, a envoyé des baisers. Il faisait ça sortait de son cœur, donc il a vraiment agi d'instinct avec l'émotion que la vue de tous ces gens qui lui manifestaient aussi de l'amour, non seulement de soutien, avait provoqué en lui. Donc il y a eu cette manifestation qui a été ils ont essayé de réduire à 4 chats, comme j'ai entendu et j'ai lu parfois dans les journaux. En même temps, il y a eu des manifestations aussi dans d'autres villes d'Italie, à Piazza del Duomo à Milan, par exemple, à Rome, où il y avait toujours beaucoup de monde, et là aussi, toujours reporté comme des manifestations où il n'y avait que quelques personnes. Ben, ça a été un peu comme une traînée de poudre. Toute l'Italie s'est mise à parler de cet argument, du modèle Riace, de Mimmo assigné à résidence. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et voilà, donc c'était assez logique que 2 semaines après, à un examen ultérieur de sa situation, ils ont décidé de lui enlever l'assignation à résidence, mais peut-être avec l'intention de ne pas aller contre la loi, ils lui ont donné l'interdiction de résider à Riace, qui a été très très mal vécu, très mal vécu par tous ses supporters, parce que ils ont associé ça à la pratique qu'il y avait pendant le fascisme, où les opposants politiques, ils étaient mis al confine, on dit en italien, je ne connais pas le mot équivalent en français, peut-être ça n'existe pas cette chose en français, mais ils étaient éloignés des lieux où ils auraient pu avoir une influence, communiquer avec des gens des mêmes idées politiques qu'eux, ou les familles, et d'où c'était difficile de pouvoir communiquer. Donc ça pouvait être des îles comme les îles Pontines, l'archipel Pontin, des îles Pontines et Ventotene en particulier, ou alors comme Eboli, où Primo Levi écrit son livre « Christ s'est arrêté à Eboli », je crois, c'est en français. In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. الحب الحقيقي بيعش يا حبيبي الحب الحقيقي بيعش يا حبيبي Watch. Radio Riace International.